mon ami Jean Faux pendant deux émissions. Je vous renvoie la transmission avec Jean Faux qu'on va voyager, avec Jean Faux qu'on va partager une maudite belle soirée. Je vous le dis en toute bonne foi, moi qui ai j'ai des mots qui parviennent à ma bouche, j'ai des mots qui parviennent à mon foie, des mots, toujours des mots. Oh, on y va avec ça. Je l'ai connu là, en Brassard au Canada. Ah, j'ai dit ma petite chatte, veux-tu griffer avec moi? Elle était si fine, ancrée dans ma... Elle était si fine, ancrée dans mon endoctrinement. Ouais, c'était long, ouais, pour pas grand-chose. Si on évalue ça, non, surtout pas. Aujourd'hui, il faut arrêter d'évoluer, mais aussi d'évaluer. Tout change. Tout est plus... Tu te procures un jus individuel. Fait que là, tu peux pas te partager. C'est indiqué dessus. Individuel. Fait que tu le payes plus cher parce que tu es un individu. T'es pas une famille. Une famille, ça paye pas cher. Là. Ça a le 3 gallons de jus d'orange. Puis, ben heureux. Puis, ça coûte encore un peu. Ben voyons. Reste chez vous. Puis, sors pas. Là. Tire la chantepleur charrette. Avec charrette, on l'a-tu tiré la chantepleur? On broyait. On n'arrête pas le temps. C'est encore là. Hein, oui. Quand on pense au petit frisé, on pleure. Oh mon Dieu. Quoique les autres n'ont pas été meilleurs, puis c'est toute la même. Bon. Ça, c'est les gens qui sont comme perdus dans leur illusion politique. Hein? Tout est pareil. Ben voyons donc. Il y aura un jour un rouage plaqué or, ensuite en or massif, et puis un politicien montera sur la scène de la vie pour nous dire « Citoyens du monde entier! » Déjà là, ça prouve que c'est un type qui vogue un peu vers l'universalité. Donc, il faut s'en éloigner. Ce qui fait un peuple, c'est sa spécificité. Fait que déjà là, il est perdant, le petit crapaud à dire ça. Mais c'est pas grave, on va l'écouter, le crapaud. Puis là, il nous dit... Peuple! Déjà là, c'est nous, le peuple, là... Quand tu voles en avion, puis t'atterris, tu regardes à terre, tu vois les petites fourmis, c'est le peuple. C'est là, OK. Peuple! Oui, c'est nous. Peuple à genoux, presque. On est presque à genoux. Voyons, on a presque... Il nous reste 25$ de loisirs, puis on met ça sur la carte de CKRL parce qu'on veut que ça reste, cette radio-là. C'est une radio intelligente. Pour une fois, il y a quelque chose d'intelligent au Québec. On veut juste la garder. Et 405 Troisième Avenue, l'intelligence passe par là. On barre les portes le soir pour pas que ça sorte. Pour pas que ça sorte, cette intelligence-là. Faut que toutes les matières grises, on les place dans des typomations. À toutes les matières grises, des animateurs de radio, là, l'émission du matin jusqu'à l'émission de fin de soirée. Là. En fait, lorsque tu vas faire ton émission, tu dois laisser ta matière grise dans le typo. Tu revises ce typo, tu mets ça sur la tablette, puis là, tu t'en vas. Tu continues au rouage économique de ta société. Fait qu'il faut que tu laisses le typo avec ta matière grise là-dedans. C'est pas important pour la vie, ça. C'est très, très... Ça, c'est pour le public, là. C'est pour toute la connaissance que l'animateur possède, là, dans le petit pot maçon. Oui, bien, comme il n'y en a pas de pot maçon, mais il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est de la pure folie. C'est comme de la vapeur. Fait que tu peux pas mettre ça dans un pot maçon, de la vapeur. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre problème. Et puis, on ne résoudra pas ça ce soir. Là. On va laisser parler Jean Faulk, des choses beaucoup plus brillantes à nous faire entendre. Et surtout, sa voix, c'est extraordinaire. En tout cas, ne précipitons pas les choses. On ne sait pas ce que ça peut être. Hein? Du jour, hein? On ne sait pas. Peut-être qu'il n'y aura plus de son. Peut-être que la console va péter. Peut-être que le ruban, hein? Parce que le 8-track que j'ai rentré dans ma chaîne, que j'ai nettoyé les têtes, voilà, là. Nettoyer, ça fait de la pellicule, ces petites affaires-là. Ça revient, de la France, là. Tu mets ça là-dedans, c'est plus très propre parce que non. Ils vont dire, non, c'est pas parce qu'il y a de la saleté qu'il y a de là-bas, là. C'est parce que le décalage, là, quand tu amènes ça dans l'avion, là, toute la poussière, puis ils mettent ça sur le toit de l'avion parce qu'ils veulent pas avoir des ondes, c'est aérienne. Ils veulent garder le peuple au neutre pour pas que ça commence à évacuer, à les 230 passagers à évacuer. Ben, non. Il faut, on sert de l'alcool. Des petites boissons gazeuses, pas gazeuses, des petits jus, des petits cafés. Imagine-toi la fille là, qui doit dire pendant 20 minutes « Un thé! » Un thé, elle passe à chaque siège. « Un thé! » Voyons donc, va-tu pondre, là? Elle est rendue à quoi? À 2 cm? C'est long avant de se rendre à 10. Je sais pas si les yeux des... Allô? « Un thé! » Ben voyons donc, un thé. Tu es parti avec son vélo, là, toi, là. Si tu veux avoir le numéro 2 de Speedbird, il risque d'en faire des numéros 2, lui, là, ce maïs soufflé-là. Le réalisateur bonbon de notre siècle, notre Américain choyé des jeunes fanfarons qui ne veulent que faire fonctionner le premier petit pois. Moi, c'est pour me divertir. Je vais pas me casser la tête. On va te casser la tête. On te casse pas la tête, là. Sinon, on risque de se retrouver à l'urgence. On te casse la tête. Dois-en pas, quand tu payes, tu vois ton IMAX, 3 surround digital Dolby, là, c'est pas là que ça va se casser la tête. Là. Monsieur, paye, c'est ce qu'on veut. Là, si tu sors et tu dis comment on va, ben là, oh là là là là là là. Si tu sors en disant je comprends pas, il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement qui vont t'entendre. Et lorsque ce sera le temps des élections, ils vont venir te chercher en voiture. Monsieur, c'est ici qu'il faut signer, ici. Vous cochez ici, en bas. Oui, là. Voyez le drapeau du Canada. Oui, c'est là. Ouais. Faut pas se... Non. Faut rester. Ben oui, voyons d'ordre, oui. Deux, c'est ce qu'il faut, oui. Comment ça va, vous autres? Hey, les enfants vont bien? La piscine, hein, l'eau, elle commence à devenir froide. Moi, là, j'ai lâché ça. J'ai lâché la piscine en 86. En fait, c'est la piscine qui m'a lâché. Oui, mais je revenais du travail. Moi, je défaisais des boîtes. J'avais toujours mon canif un peu comme Chumpang Gumby, Bambi, celui qui avec les crocos, là. Les crocos. Pff, Général Dundee, hein, le malade qui tue les crocodiles avec son couteau. Moi, j'avais toujours mon couteau, là. Bien aiguisé, bien dans ma poche. Je prends mon œil chaud dans ma piscine. Poum! Je plante parce que ma douce Bertha avait décidé de nettoyer mes piscines, de descendre l'eau pour la nettoyer. Puis après ça, remonter l'eau. Mais là, elle n'était pas très, très haute. Moi, je ne voyais pas. Moi, là, faisais ça, hein? J'avais le chapeau sur le visage, les yeux qui étaient masqués. Parce que je me déguise des fois en Zorro masqué. Soit le vendredi soir, surtout. Là. Oh, je saute du troisième matelas du lit. Ma chérie se tasse, je tombe à terre. Ah, oh, des soeurs de plaisir. L'ambulance qui attend en bas. Là, c'est à quelle heure, là? Hier, c'était à 3h30 du matin. Là. J'espère qu'ils ne nous feront pas poireter jusqu'à 8h. On a notre malade à sauver. La population est en train de s'effondrer. CNN tourne encore. C'est le désastre assuré et c'est bien pour nous. Oui, ça amène de l'argent au moulin, de l'eau au moulin, de l'huile au moulin, de l'huile d'olive au moulin. L'errance rénadienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, comme le mentionnait Jim Morrison. L'errance rénadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Toute ma vie. Même d'autres musicalités sonores, d'autres timbres sonores. Timbres, parce que non, musicalité, ça faisait au moins qu'il y a de la musique. Mais d'autres timbres sonores. Qui ne s'était pas affranchi à CKRL. Quelle horreur! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à la douce rénalité. Oui, ça va bien, oui. Ah, mais c'est en fait, là, peut-être pas. Et c'est à force de se le dire. Tu diras pas le contraire. Imagine le CCFR, le CCF, le CCF, le CCF. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, Madame les voluptés. Et vous, chers résidentes et résidents impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Là, aujourd'hui, on va un petit peu plus vite dans l'intro puisque j'ai un ami à faire parler. J'ai quelqu'un dont je dois laisser la place pour que la musique nous parvienne au cortex cérébral. Cérébral? Mais non, c'est Jean-Pierre. Mais voyons d'autre. Oui, je l'ai appelé. Oui, c'est ça, je l'ai appelé. Lui dit, Montréal, c'est bien loin de Montréal, ça. C'est diamétralement opposé ou... Mais... C'est pas une ville, ça, Montréal, c'est pas... Mais voyons. C'est pas dans la ville de Québec, ça, Montréal. Oui, mais ben c'est parce que j'ai un colis à lui faire avec l'autre. Ben en fait, c'est parce que c'est une boîte qui est sans doute un cadeau de sa douce aimée, de son halluciné, ou peut-être d'une jeune commentatrice non une séductrice. Il me douche, ça bave, la séductrice. Alors, on cherche, c'est pas compliqué, là, on cherche le Mont-Rénal. GPS, là, il est parti. Je vois des pages noires, des rouges, des vertes, des roses. Ça flash, mon ami, c'est digital. On sait plus, là. Puis à l'intérieur, on dit, ça n'existe pas. Là, on n'a pas demandé Dieu, là. J'aurais compris, ça n'existe pas. Mais là, c'est Rénal, à Québec. Hein. C'est R. Je vais vous le dire, attendez là. J'essaye de lire parce que c'est sans doute hein, écrit avec des larmes. Ben oui, ou du sang d'amour. Du sang d'amour. Ou des larmes d'amour. Mais des larmes, ce serait plus difficile. Mais peut-être du sang d'amour. Mais ce serait bizarre parce que le sang serait comme rouge vin. Mais elle est peut-être diabétique. En tout cas, Rénal. Oui. Bonjour. Du sang d'amour. La belle amour. Comme le cœur. C'est rouge cœur. Ouais, que moi, j'ai vu un cœur. C'est pas du tout, hein, les deux petites boules avec la petite pointe, là. Oh, monsieur, c'est un genre de fouet dégueulasse qui. Et c'est R. Oui? C'est oui, c'est avec du sang d'amour. R. D'amour. Et d'eau fraîche. R-I-Y-N-A-L-D. Mont-Rénal. Mont, M-O-N. M majuscule O-N. Espace. R majuscule A Y L rouge d'amour, oui. Ça n'existe pas. Bon. On peut envoyer ça, c'est quoi RL? D'accord. OK. Il risque de le recevoir samedi le 5 septembre, demain. 24 heures. OK. OK. Bon. OK. Bonjour. Prochaine. Au revoir. Aujourd'hui, le vendredi 4 septembre 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du grand auteur, compositeur, interprète Jean Faulk. En 1969, on va rapidement là, juste dresser un avant-propos. En 69, à 18 ans, Jean Faulk s'installe à Paris dans le but